T'en entends parler, frérot? On est dans toutes les cités, dans tous les TX, dans toutes les cellules. A-L-O-N-Z-O-Y-L. Ah! C'est Marseille. Tu l'as croisé la nuit dernière, je veux pas savoir si c'est ton frère. Il voit des lobes. Il répond plus à nos appels, tu l'as croisé la nuit dernière, je veux pas savoir si c'est ton frère.